Ce vendredi à la vie en BD. Deux belles rencontres pour clore notre saison radiophonique 2015-2016. Un sur la couleur et le métier de coloriste avec Isabelle Merlet. Et deux, le groupe du Chien d'An et le printemps de la bande dessinée québécoise avec Sylvain Lemay. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour une dernière fois au fil de cette saison radiophonique. Après l'émission d'aujourd'hui, on se retrouvera en septembre prochain. Et une dernière émission, comme on le disait d'entrée de jeu, avec deux belles rencontres au menu. On va explorer deux facettes de la bande dessinée. Dans la deuxième partie de l'émission, ce sera l'histoire de la bande dessinée québécoise qui sera à l'honneur. Le collectif du Chien d'An qui a marqué de manière importante, imposante, qui a servi peut-être un peu de catalyseur à ce qu'on a appelé le printemps de la bande dessinée québécoise, donc qui a amené une certaine professionnalisation du métier, qui a amené une certaine ascendance du métier au Québec, qui a marqué une césure importante également avec la BD qui se faisait précédemment, peut-être un peu plus d'incidence religieuse, entre autres. Alors, une petite production, mais avec un impact assez large. Alors, on parlera de la nature de cet impact, on parlera de cette période en compagnie de l'auteur du livre du Chien d'An dans le printemps aux éditions Mémoire. Donc, Sylvain Lemay en deuxième moitié d'émission. Dans quelques instants, on aura le plaisir de s'entretenir autour de la couleur, de son instinct, de son approche, du métier de coloriste avec Isabelle Merlet, une auteure coloriste qui est de passage à Québec en résidence de création. On en profitera justement pour parler de son travail, de son parcours, bref, de tout ce qui entoure la couleur. Dans l'actualité, cette semaine, on parle notamment de l'album de Maurice Sekela, Guillot, Facteur pour femmes, qui a reçu l'un des principaux prix belge de la bande dessinée, le Grand Prix Diagonal. Alors, créé il y a 9 ans en Belgique, ces prix sont décernés depuis un certain temps, évidemment. Alors, cet album faisait face aux éléphants rouges de Mazel et Lupano, au roi ours de Moby Dick, aux amours fragiles de Beuriot et Richel. Les amours fragiles de Beuriot et Richel, qui a remporté le prix de la meilleure série face à Airborne 44 de Jarbinet. Les vœux fourneaux de Coet et Lupano également étaient en nomination dans cette catégorie. Sinon, on le mentionnait la semaine dernière, Darwin Cook, auteur majeur du monde du comic book au Canada et au-delà. Moins de 24 heures après avoir été admis en soins intensifs, il nous a quittés, donc victime de ce cancer foudroyant. Je rappelle que Cook est un cartooniste talentueux, passionné, touche à tout. Il a dessiné The New Frontier, DC, Catwoman, Parker, Before Watchmen, Minuteman et beaucoup, beaucoup d'autres séries. Dans un tout autre registre, petite mention concernant Johan Sfar. Sfar qui planche sur deux adaptations présentement, en fait. D'un côté, Le chat du rabbin. Donc, il va offrir un second souffle à cette série qui a déjà été adaptée d'ailleurs en film d'animation. Mais dans le fond, il veut faire une adaptation en prise de vue réelle. Alors, le film serait produit par Mark Fitzman qui a offert Babysitting. C'est selon le magazine Première. Je rappelle que la série en 6 tomes met en scène le chat bavard d'un rabbin d'Alger dans les années 1920. Le film d'animation avait reçu le César 2012 du meilleur film d'animation d'ailleurs. Et autre adaptation, mais cette fois-ci en animation, c'est Petit Vampire qui sera réalisé également par Sfar lui-même. Sa bande dessinée avait déjà été adaptée en série télé. Maintenant, ce sera un long métrage d'animation produit par Studio Canal. Alors, il n'y a pas de date de sortie qui a été annoncée de ce côté. Je rappelle que la série BD Petit Vampire avait commencé à être publiée chez Delcourt à partir de février 99. Elle racontait les aventures d'un jeune vampire en mal d'amis qui se rapproche d'un orphelin turbulent. Et la série animée était créée en 2004. Alors voilà pour ces différents clins d'œil. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous la coloriste Isabelle Merlet. Bonjour. Bonjour Raymond. Et peut-être d'emblée, en fait, je peux mentionner certains des titres sur lesquels vous avez collaboré au fil des récentes années, à tout le moins parce que des titres que vous avez mis en couleur, il y en a plus de 75-80. On pense à des titres comme La Marie en plastique, La Grande Odalisque, Le Petit Rien tout neuf avec un ventre jaune, La Technique du Périnée, Hermiston, La Guerre des Boutons, Le Chant des Striges, Chronique de la Lune Noire, Svoboda, Les Voleurs de Carthage, Bigfoot, etc., etc. Une série d'univers variés avec des auteurs variés, dans un style qui n'est pas nécessairement reconnaissable ou attribuable non plus. J'ai l'impression un peu, d'ailleurs, en lisant un peu votre curriculum et en l'observant, que c'est un peu coloriste, un métier caméléon. Ben oui, c'est une des premières qualités du coloriste, je crois. C'est vraiment de se fondre dans l'univers d'autres personnes. Hein. On ne choisit pas ces auteurs. Enfin, on peut les choisir. Il m'est arrivé de demander à des auteurs de travailler avec eux, mais en règle générale, c'est eux qui vous approchent, qui ont besoin de couleurs. Donc, il faut s'adapter à des dessins qui sont très très très différents les uns des autres. Donc ça, c'est le fait d'être capable de s'adapter, je pense, c'est une des premières qualités du coloriste, de pouvoir passer d'un dessin très réaliste à quelque chose de beaucoup plus stylisé, à un dessin plus pour la jeunesse, à des époques, à des univers, à des traits. Voilà, il y a des traits qui sont extrêmement complexes, charbonneux, très très noir, enfin tout ça, ce sont des langages graphiques, et donc il faut réussir à les pénétrer, à les décoder et à les comprendre pour pouvoir les, comment dire ça simplement, mais pour pouvoir les révéler, je dirais, pour faire en sorte que ils soient les plus en beauté possible, sans que ce soit du maquillage. Vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas là, on met pas du rouge, du bleu, on fait pas des choses pour que ce soit mignon, pour que ce soit beau. Il s'agit de soutenir un récit, une ambiance, ça se rapproche pour moi davantage d'un travail de musique, par exemple, sur un film, hein, où c'est vraiment une interprétation. C'est qu'est-ce qu'on amène, comment on soutient une œuvre, en fait, qui la plupart du temps pourrait sortir en noir et blanc. Enfin, moi, je vois évidemment les livres avant qu'il y ait de la couleur. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a vraiment besoin de couleur, ça a été fait pour ça. Et puis parfois, non, ça pourrait très bien sortir en noir et blanc. Alors, comment on fait pour rajouter quelque chose, mais ne pas enlever ce qu'il y a déjà? Parce que quand il y a un équilibre en noir et blanc, comment on fait pour ne pas casser cette la couleur, c'est quelque chose de violent, hein, quand vous mettez sur vous tout un tas de couleurs, on vous voit, quoi, on vous remarque. Donc ça peut aussi, si on en fait trop, si on comprend pas suffisamment le dessin, si on veut se faire plaisir soi et qu'on fait pas attention à... Le risque, c'est ça, c'est vraiment de déséquilibrer une œuvre, un ensemble, quelque chose qui a été fait et qui fonctionne. En fait, ce que vous disiez tantôt sur l'aspect, justement, peut-être narratif, dans le fond, c'est un peu de se poser la question, qu'est-ce que la couleur va apporter de plus? Et de quelle manière, dans le fond, la couleur va soutenir la narration? Donc, être coloriste, c'est pas... Oui, il y a de la technique, mais c'est d'abord une approche narrative au service du récit. Tout à fait. C'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est pas tant la couleur pour la couleur. Alors évidemment, bon, c'est important de bien savoir accorder les couleurs si on veut, mais au-delà de ça, c'est vraiment de la narration, c'est vraiment du récit, et il faut savoir dans une page faire ressortir un élément qui est important pour la narration, au contraire en éteindre d'autres. Il y a toute une hiérarchie... je vais pas réussir à le dire. Une hiérarchisation? Oui, c'est ça, merci. Tu me sauves. De l'information, finalement, qu'il faut faire. On a des dessins qui sont parfois très, très, très, très fouillés, du premier au dernier plan, tout est comme ça, très, très confus. La couleur va permettre de créer des plans et de montrer au lecteur ce qui est important et ce qui l'est moins. Bon, voilà. Non, parce que on lit très vite une bande dessinée. Donc, ce qu'on lit, évidemment, c'est le texte, et on passe très vite sur les images. Mon rôle à moi, c'est donc de les rendre parfaitement lisibles, ces images. Donc ça, c'est très très important, oui, Et j'imagine de rendre lisible. Et dans une perspective de correction, à la limite, de faille ou d'amplification, en se oui. disant, ben, parce qu'il faut respecter le style du dessinateur, on en parlait tantôt, donc il faut se fondre un peu là-dedans. On se fond là-dedans, mais c'est vrai que la couleur peut corriger des fois, voilà, enfin... Tous les dessins, il y a des centaines de dessins dans un album de BD, tous ne sont pas bons. On n'est pas tous... voilà, on fait des choses, parfois, bon, il y a des choses moins bonnes que d'autres. Et donc, c'est le cas aussi dans une bande dessinée. Et la couleur permet de rattraper parfois vraiment les choses, quoi. Et tout ça dans une perspective où, à la limite, on pourrait avoir l'impression, bon, exemple, si on est sur un album réaliste, que le réalisme de la couleur, autant que le réalisme du dessin, n'est pas nécessairement réaliste dans l'ambiance, dans l'esprit. Donc, faut réussir un peu à tendre entre l'un et l'autre si on y va dans une approche comme ça. Il faut faire attention avec un dessin réaliste à ne pas tomber dans la photographie ou dans l'illustration. Hein, ce qui est tentant, quand les choses sont très très détaillées, très très très bien faites, entre guillemets, je mets des guillemets à bien fait, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des mauvais dessins, mais enfin, je veux dire, bon, c'est pas parce que c'est réaliste que c'est bon. Mmh. C'est ça que je veux dire. Bon, Picasso n'était pas réaliste, et il y a des dessins qui sont sublimes, et c'est pas réaliste. Mais, mmh. Le dessin est parfois plus fort qu'une photo, voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, il faut y faire attention de ne pas... ce que je faisais d'ailleurs à mes débuts, lorsque je travaillais en traditionnel avec un pinceau et des encres, j'avais tendance à en mettre un peu partout, c'est-à-dire à faire des nuages dans le ciel, à faire des reflets sur les vitres, à mettre des ombres, à mettre des... Enfin, bon... J'en rajoutais beaucoup, j'en rajoutais énormément. Et avec les années, j'en mets de moins en moins. Et je me rends compte que je sais davantage mettre en valeur le dessin. C'est un peu dans le fond, si y en a moins, ça a peut-être plus d'impact aussi. Dans certains cas aussi, bon, évidemment, dans la liste d'albums qu'on donnait, il y a des trucs qui sont plus historiques, plus réalistes, il y en a d'autres qui sont plus impressionnistes. Mm. Il faut réussir à suivre aussi ces tangentes-là, ou mettre un peu d'impressionniste aussi dans le réaliste. Oui, oui, il faut jongler, il faut sentir les choses. En fait, c'est vrai que c'est très difficile d'expliquer. Il n'y a pas de méthode. Je n'ai pas... Et encore aujourd'hui, j'ai aucune méthode. Là, j'ai reçu... C'est marrant, j'ai reçu hier une demande pour faire des essais là, sur un livre qui n'est pas encore signé. Je ne sais pas si ça se signera. D'ailleurs, c'est une biographie de Soutine. Et donc, c'est un dessin qui est plutôt un dessin enfantin, on va dire. Enfin, destiné à la jeunesse, ne soyons pas, voilà, avec très peu de volume, c'est assez plat, il y a très peu de choses, et là la couleur a beaucoup de place, et il faut qu'elle amène énormément d'informations, voilà, de détacher les plans, d'ambiance, de couleurs évidemment, et donc quand je m'y suis mise, je savais absolument pas ce que je pouvais faire. Et j'ai fait un truc mauvais, en fait. Je m'en suis rendu compte ce matin, après une nuit de sommeil, alors que j'avais envoyé au dessinateur. Bon, c'est absolument pas grave. Hein. Il y a souvent des allers et retours comme ça. Mais ce matin, en me levant, j'ai vu ma page que j'avais envoyée en disant... Bon, j'avais quand même prévenu. J'ai dit, bon, je crois que c'est pas terrible quand même ce que j'ai fait. Et là, il y a d'un seul coup une évidence. Je n'avais absolument pas... Alors, j'avais travaillé, j'avais mis des touches un peu dans les arbres, j'avais fait quelque chose d'expressionniste, on va dire, et avec un crayon, j'avais vraiment retravaillé beaucoup, mais j'avais complètement occulté l'essentiel, c'est-à-dire que tout était plat. Si on passait ma planche couleur en niveau de gris, si on enlevait les informations couleur, en fait, tous les gris étaient des gris moyens. Mmh. Il n'y avait plus de contraste. Et ça, c'est vraiment la faute... c'est énorme. Enfin, bon, voilà, c'est comme une grosse faute d'orthographe, quoi, dans un texte. Bon, c'est pareil. Bon, mais ça fait 25 ans et je ne l'ai pas vu. Donc, on ne voit pas tout tout de suite, on ne sait pas tout. Il faut vraiment rentrer dans le dessin petit à petit, quoi. Comme on rentre dans un roman, comme on rentre dans une histoire, on n'est pas pris dès la première page, dès la première ligne, dès le premier mot. Quand on fait une mise en couleur, on ne sait pas les choses tout de suite. Souvent, il me faut... pas à ce niveau-là, c'est pas mauvais pendant 30 pages, mais souvent, il me faut 30 pages pour être parfaitement familiarisée avec le dessin. Au bout de 30 pages, je connais le dessin, je le sens, je dis pas que je pourrais le faire moi-même, mais je suis parfaitement familière du dessinateur, je comprends comment il travaille, je suis dedans, et à partir de là, évidemment, je recommence un peu mon travail, j'ajuste, et je suis à l'aise. Donc 30 pages, c'est pareil, hein, sur un album, voilà. Et d'ailleurs, Isabelle Merlès, ça m'amène à vous demander, vous avez commencé le travail de couleur au début des années 90, il y a eu une pause dans votre parcours, vous êtes revenu à la couleur autour de 2006 par la suite, et il y avait le numérique qui s'était rajouté, donc j'imagine quand on a un cas comme ça, vous dites, ça prend une trentaine de pages pour être vraiment à l'aise, ensuite je reviens en arrière, le fait d'avoir accès à un travail numérique, j'imagine que ça facilite beaucoup aussi le retour en arrière, l'expérimentation, etc. Tout à fait. C'est-à-dire que les 30 pages, autrefois, je ne pouvais pas les prendre. Je ne pouvais pas refaire les 30 premières pages. Évidemment, quand on fait les choses à la main, on fait, c'est fait. Donc, on a tendance à faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas très longtemps. Voilà, on cherche un peu. Et puis, on avait trois exemplaires donc de la page imprimée. Ça s'appelait des gris. Donc, on imprimait la page au format d'impression de l'album. On imprimait ça sur un papier un peu fort, un papier Vinci, sur lequel la coloriste ou le coloriste venait faire sa mise en couleur. Et puis, par-dessus ça, on avait un calque, un transparent noir, puisque la couleur, évidemment, recouvrait le trait qui était en gris. Et donc, on avait un transparent qu'on posait à chaque fois, qu'on posait, qu'on enlevait pour voir ce que ça donnait couleur plus trait noir. Donc tout ça était très précis, très fastidieux. Le papier parfois se distendait un peu, si bien que le noir ne calait plus avec ce qu'on avait en dessous. Enfin bon, c'était pas rigolo. Mais le fait est que une fois qu'on avait fait notre page, on revenait pas dessus, quoi. Les choses étaient faites. Et donc on faisait, oui, c'est sûr qu'on faisait, ce qu'on savait faire. Alors avec le numérique, moi, ce qui m'a vraiment fascinée, et je pense que c'est pour ça que je continue à faire de la couleur, c'est cette possibilité de recherche qui est infinie, quoi. Une fois qu'on a sélectionné les zones qu'on va remplir, qu'on a fait ce travail qui est très fastidieux, mais on peut mettre là n'importe quelle couleur, peu importe. Après, on a vraiment à plonger dans la couleur et à essayer des choses. Et ça, c'est fantastique. Là, il y a une liberté totale et je peux passer des jours et des jours à chercher, en fait. C'est vraiment mon plaisir, c'est mon grand plaisir, oui. Je passerai ma vie à chercher, en fait, des solutions. Une fois que je les ai trouvées, ça y est, ça ne m'intéresse plus. Mais trouver la meilleure solution pour une page, c'est vraiment fascinant, parce que des solutions, il y en a tout un tas. Mais c'est laquelle qui va le mieux servir laquelle, la et page c'est laquelle c'est ça, c'est quoi qui va le mieux servir la page? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et j'imagine qu'il y a autant, en fait, la dimension de la planche, la dimension de la planche ou avec la planche d'à côté, la dimension de l'album, son esprit, la case, il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais absolument, aussi. Absolument. Oui, on se concentre parfois parce qu'on a une belle case qui nous plaît, alors on va travailler cette case, et puis il y en a 5 ou 6 autres, donc voilà, il faut quand même que tout ça s'accorde, et puis après on a une double page, et puis tout ça rentre dans une séquence de plusieurs pages à peu près dans la même ambiance, et puis tout ça rentre, cette séquence rentre elle-même dans d'autres, est imbriquée au milieu de d'autres séquences. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a fini les pages, qu'on a fini le travail préalable, après il y a vraiment ce plaisir de tourner l'album, en PDF, de faire des PDF et de voir si ça marche. si ça fonctionne, quoi, de feuilleter ce travail. Ça, je le fais beaucoup, et parfois je suis arrêtée, je me dis, ah non, mais là il faut réintervenir là sur cette page là parce que finalement on passe dessus, c'est trop fade, c'est trop, il faut un petit élément pour que l'œil soit accroché. Donc c'est comme une symphonie, on va monter des choses, baisser d'autres, on va rééquilibrer, quoi, tout ça. Et j'aime bien le parallèle avec la musique que vous amenez. Et en même temps, j'imagine que ça amène aussi des questions sur le statut d'auteur du coloriste, par exemple, dans la mesure où, j'imagine, l'argument qui est utilisé pour la musique de film, c'est que si on la sort du film, ça reste un objet musical qui existe. Si on sort la couleur de l'album... Mais oui, bien sûr. Donc c'est vrai que on n'est pas considéré comme auteur parce que notre travail dépend complètement du travail de l'autre. Hein, il peut pas exister en lui-même. Donc c'est difficile de faire reconnaître son travail, la qualité de son travail, puisque on ne voit jamais le livre sans les couleurs. Si on pouvait comparer, si on pouvait se voir l'apport de la couleur, ce serait beaucoup plus facile de dire, ah ben quand même, il y a un boulot énorme là-dessus. Oui, parce qu'on parlait de lisibilité et le reste, ça peut changer de manière massive quand on compare. Mais comme on ne compare jamais, puisque les livres ne sont rarement... Enfin là, c'est arrivé sur un livre de Blotch qui s'appelle Lune l'envers. Il y a eu une version couleur, il y a eu une version noir et blanc. Donc on peut voir l'apport de la couleur, mais la plupart du temps, on voit le livre tel qu'il est, avec la couleur. Donc on n'est pas rendu, hein, pour comme on dit en France, je sais pas si on dit ça ici, on n'est pas rendu, c'est-à-dire que le jour où les éditeurs vont admettre que les coloristes sont au moins auteurs de leur couleur, parce qu'évidemment on n'est pas auteur du livre, hein, on n'a pas écrit le livre. Bon, mais un comédien ou un interprète, je sais pas, un violoniste, il a pas non plus écrit la partition. Un comédien, il a pas écrit ce qu'il joue. Et pourtant, les comédiens sont adulés, absolument. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent quelque chose. Mais de la même manière, le coloriste interprète quelque chose. Voilà, c'est une interprétation pour moi. Donc c'est un travail qui peut être vraiment passionnant et vraiment un travail artistique au sens plein. Voilà. Et j'aurais envie de dire, d'ailleurs, pour illustrer ça, parce qu'on a l'impression que le métier de coloriste, c'est la couleur, mais ça peut dépasser ça. Et vous incitez parfois aussi des auteurs, des dessinateurs, des scénaristes à prendre certains risques avec leurs albums quand vous intervenez, quand vous amorcez une collaboration, quand vous participez à l'écriture, dans le fond, ce livre-là. Et je donne l'exemple, en fait, de Sol Carlus de l'association de Rupert et Mulot, où vous avez colorié, mais en noir et blanc. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai... Je suis intervenue pour ne faire que des gris. Il n'y a pas de couleur, mais il y a tout un travail de matière, de lumière, et de mise en volume d'un dessin qui est juste un dessin au trait. Et on se rend compte, oui, bah, que là aussi, il y a un apport énorme. Et c'est pas de la couleur, mais c'est un prolongement du dessin. Donc la couleur, ça n'est pas que de la couleur, c'est surtout un prolongement du... Enfin, le travail de coloriste est surtout un prolongement du travail du dessinateur. Et est-ce que ça se fait beaucoup, justement, de main dans la main avec le dessinateur? Je parle de dimension de risque. Est-ce que parfois vous essayez d'amener l'album aussi dans le respect de ce que le dessinateur a bâti, mais quand même l'amener justement à se positionner un peu différemment? Est-ce qu'on se permet ça? Oui, on se permet ça. Enfin, moi, en tout cas, je me le permets. Parce que c'est ce qui m'intéresse de chercher. Donc je propose. Après, évidemment, le dessinateur dispose, c'est lui qui choisit. Mais je dois dire que j'ai quand même beaucoup de chance à ce niveau-là. Les auteurs m'appellent aussi parce qu'ils savent que que j'aime ça, cette dimension de recherche, et que je vais trouver quelque chose sur leur livre qui n'aura pas déjà été fait sur un livre précédent. Donc non, c'est plutôt chouette. C'était des belles collaborations. Et après ça, quand on choisit, est-ce que, par exemple, on va préférer un bon scénario avec un dessin, quitte à ce que le dessin soit moins bon, ou un bon dessin, quitte à ce que le scénario soit un peu moins bon? Est-ce que... Alors ça, c'est vrai que c'est difficile. Pour moi, ce qui est à mettre en couleur, c'est le dessin. Donc la base, c'est vraiment la base graphique, hein, qui qui m'intéresse. Donc je vais évidemment davantage être attirée par le dessin. Bon, si le scénario est vraiment pas bon, ça dépend. Parfois je passe au-dessus de ça, et ça m'est arrivé récemment, je ne dirais pas sur quel titre, mais vraiment j'étais déçue par le scénario. Mais bon, parfois on a travaillé déjà avec la personne, c'est difficile de lui dire, écoute là ton truc je ne le sens pas, parce que ça s'inscrit dans une œuvre, donc bon, c'est comme un film, les cinéastes sont pas au même niveau à chaque coup, donc on fait le pari de suivre un auteur ou pas aussi. Et quand on suit l'auteur, on parlait du 30 pages d'acclimatation, mais si on tombe dans un territoire défini qui est peut-être déjà un territoire en partie connu, est-ce que ça facilite justement l'appropriation du trait? Si c'est connu... Oui, évidemment, ça facilite. Mais c'est aussi... Moi, je préfère quand... Je préfère quand il y a vraiment des expériences nouvelles. Là, j'ai travaillé sur plusieurs livres avec Florent Rupert et Jérôme Mulot. Donc, et au bout d'un moment, je dois avouer que je m'ennuie un peu. J'aimerais pouvoir faire complètement autre chose. Hein, quand leur dessin, à eux, ils ne bougent pas. Et ce qu'ils aimeraient, c'est que ma couleur, elle ne bouge pas non plus. Ils ont besoin encore, mais bon, je pense peut-être parce qu'ils n'ont pas non plus 20 ans de carrière derrière eux, ils ont besoin de retrouver certains codes. Et parfois, je suis frustrée de ça. Je dis, mais non, mais le ciel, pourquoi le ciel doit-il être bleu? Un ciel, ça peut être absolument toutes les couleurs. Il peut être vert, ça va marcher tout aussi bien, vous verrez. Et il y a un petit... Voilà, donc... C'est agréable de bien connaître les gens, c'est agréable de bien connaître le dessin, mais parfois on aurait envie de faire exploser tout ça. En tout cas, moi, j'aime bien des auteurs qui, à chaque fois, font une expérience graphique un peu différente. Ça me permet, moi, d'aller un peu, de faire un pas de côté. Oui, ben, enfin, on revient à ce que vous disiez au départ, ce qui vous attirait dans la couleur, c'était l'idée de l'expérience. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. C'est tout à fait le jeu, oui, c'est absolument le jeu. Donc c'est vrai que, oui... Il faut que ça change. Et je fais une parenthèse aussi pour dire, vous êtes à Québec, Isabelle Merlet, dans le contexte d'une résidence, dans le partenariat que Bordeaux-Québec avec l'Institut canadien de Québec. Donc, mais vous êtes plus dans cette sphère-là, c'est le côté, parce que, évidemment, vous faites de la couleur, mais vous avez fait du scénario, du dessin aussi, illustration jeunesse. Donc, c'est un peu dans les autres aspects du métier que vous venez vers Québec. Oui, là, je suis venue pour travailler sur un projet d'album jeunesse. Et comme, évidemment, j'ai absolument jamais le temps, je ne le prends pas en tout cas, parce que j'ai pas, c'est peut-être une question de confiance ou de je ne sais pas, en tout cas ça fait des années et des années que je suis engloutie complètement par ce travail de la couleur. Ça fait 10 ans que j'ai absolument pas quitté mon écran, que je suis en permanence en train de travailler. Et les petites choses que je fais à côté, donc l'illustration, c'est toujours du temps volé à la couleur. Alors là, je me suis dit, bon, pendant 2 mois, tu vas travailler pour toi. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à écrire quelque chose qui, je pense, j'aurais pas pu, un petit texte poétique que je vais illustrer. Et je pense que j'aurais pas pu faire ça à la maison, dans le quotidien, avec tous les jours quelqu'un qui appelle pour un conseil. Parce qu'évidemment, les auteurs, c'est devenu des amis pour la plupart. Et donc, comme n'importe quel ami, quand on fait quelque chose, on demande des conseils à lire. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que t'en penses de cette... Donc, on est en permanence, comme ça, pris dans le travail des autres. Alors bon, c'est évidemment très agréable, mais c'est aussi très handicapant quand soi-même on veut se mettre à faire quelque chose, parce que là il faut couper d'une certaine manière, il faut s'immerger, et je n'avais jamais le temps de faire ça, jamais. Et j'imagine que dans la logique d'exploration, en terminant, toutes ces facettes-là, donc la couleur, le scénario, le dessin, mais viennent s'alimenter les uns les autres, que le fait d'avoir une expérience en développement d'histoire, en dessin, alimente l'orientation qu'on donne à la couleur et inversement. Ça permet de bien connaître son affaire. Ça permet d'avoir une vision globale du livre. Oui, évidemment, quand on sait un peu comment écrire voilà, on sait comment rythmer le récit. Oui, c'est un plus, oui, ça c'est sûr. Oui, parce que comme on disait, c'est toujours une question de lisibilité. J'imagine que c'est un peu de passer entre l'un et l'autre dans la mesure où il y a la couleur comme objet de lisibilité. Donc, il y a des critères un peu plus objectifs où on dit, bon, OK, il faut une respiration, il faut tel élément, il faut telle chose. Et il y a le côté instinctif, le côté émotif, le côté subjectif finalement. Donc, l'ambiance de l'album, l'esprit, ce qu'on va en, la petite couleur qui va venir chercher l'œil justement, qui oui. est parfois moins critère clair sur ce qui va marcher ou non. Oui, oui, oui. Ben oui, il y a les deux côtés. Il y a à la fois, bon, des choses, on peut pas passer à côté. Quoique, bon, évidemment, on pourrait pas faire une peau violette. Hein, ça, je crois que ça serait la limite de. Mais donc il y a des choses. Voilà, on est à peu près obligé de respecter certaines règles. Et puis il y a parfois une couleur qu'on amène comme ça et qui va, je pense, imprimer dans la tête du lecteur une émotion, enfin ça va créer quelque chose, alors qui nous échappe complètement, hein. On ne sait pas ce qu'on fait, mais je pense que c'est tout aussi important que de bien délimiter les espaces et que les choses soient bien lisibles. Voilà, il y a le côté émotionnel de la couleur, et ça, bon, là-dessus je pense que c'est totalement, chez moi, totalement instinctif, et c'est quelque chose que j'ai en moi, que je ne peux absolument pas expliquer, mais je suis, alors c'est vraiment gonflé de dire ça, mais je suis douée pour ça. Enfin, voilà, bon. Le mot est lâché, il est vraiment, vraiment grotesque, mais je sens ça très bien, le instinctivement, oui, il y a je vais être capable de mettre des couleurs. Je sais pas si c'est mettre des couleurs ensemble ou si c'est savoir en mettre très peu et accorder les choses. C'est surtout ça, quoi. C'est la finesse d'ajustement que je sens, que je maîtrise de plus en plus avec la connaissance du dessin, avec la connaissance. Maintenant, j'arrive vraiment à en mettre très très peu, et c'est très juste. Voilà. Je peux difficilement l'expliquer, je le ressens, quoi. Alors, on pourrait dire l'instinct de la couleur, oui. D'Isabelle Merlet. Oui, c'est un instinct. Merci beaucoup pour l'échange. Merci Raymond. Alors voilà, donc je rappelle Isabelle Merlet qui était avec nous de passage en résidence de création ici à Québec. Alors ben, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1. c'est toujours l'écoute de CKRL 89.1, dernière ligne droite de cette émission de La Vie en BD. Dernière, je rappelle, émission de notre saison radiophonique 2015-2016. On aura le plaisir de se retrouver, évidemment, en septembre prochain sur les ondes du 89.1. Et on avait envie de consacrer notre dernier segment à un ouvrage qui a été publié tout récemment, en fait, qui a été lancé en début avril dernier, qui s'appelle Du chien d'an dans le printemps. Alors, c'est un regard sur le groupe du chien d'an, sur le printemps de la bande dessinée québécoise. Et au bout du fil, son auteur, Sylvain Lemay, bonjour. Bonjour. Alors, en entrevue, d'ailleurs, dans d'autres entrevues que tu as offertes, tu mentionnais que la marque laissée par le collectif Chien d'An est inversement proportionnelle à sa production. Donc, le groupe a été actif à peu près 6 mois, une quarantaine de pages de création, et que c'est un peu le paradoxe, en fait, une grande influence, une grande reconnaissance aussi de certains analystes, à tout le moins, mais une très petite production. Et c'est un peu ce paradoxe-là donc, qui t'avait amené à t'intéresser au groupe du Chien d'An. Oui, la question vient de là. En même temps, ils ont très peu d'influence, justement, parce qu'ils ont pas, ils ont très peu publié. Une quarantaine de planches qu'on connaît, on en trouve d'autres. Depuis que le livre est publié, on a encore trouvé d'autres. Des gens m'ont contacté avec des nouvelles planches qu'on n'avait pas encore vues, mais dans le fond, c'est très peu. Alors que tous les essais, tous les histoires, tous les textes sur l'histoire de la bande dessinée parlent toujours de l'importance du printemps de la bande dessinée de 1968 à 1975 et de l'importance de Chien d'An à l'intérieur du printemps. Mais quand je me suis mis à chercher dans les années 90, j'ai commencé ça avec mon mémoire de maîtrise à l'UQAM en études littéraires, je trouve absolument rien sur Chien d'An. Et là, je me demandais, mais comment des gens ont pu avoir une telle importance et finalement avoir si peu publié. Et ce qui est intéressant, c'est en même temps, c'est que le groupe, le collectif du Chien d'An, c'est des gens qui ont fait le choix de la bande dessinée. C'est des gens qui venaient de la sphère peut-être un peu plus des arts visuels. Il y avait un poète aussi là-dedans. Et ils ont fait le choix de s'exprimer à travers la bande dessinée, qui à l'époque était un art considéré comme tu le dis dans les pages de ton livre, comme un art populaire. C'est un art. Eux voulaient rejoindre le plus grand public. Ils faisaient des expositions. Claude Effly, qui était le poète, qui était un ami de Gaston Miron, qui est un peu le pivot du groupe de Chien d'An, avait ouvert une galerie d'art sur la rue Pie dans les années 60 à Montréal et exposait, mais essayait d'exposer, de donner un autre aperçu des arts visuels, souvent considérés comme très élitistes à l'époque, donc quelque chose de plus démocratique, travaillait beaucoup sur l'humour. Et la bande dessinée, dans le fond, c'était un médium parmi d'autres. Il faisait de l'affiche, faisait de la gravure, faisait plusieurs autres, des recueils de poésie. Et la bande dessinée venait s'inscrire aussi. Il y avait beaucoup, dans tous leurs travaux, une recherche de complémentarité entre le texte et l'image. Donc, la bande dessinée était évidemment un médium qui allait de soi. Et effectivement, c'est un peu pour ça ce que j'explique dans mon livre, ce qui a permis c'est un peu cette reconnaissance au niveau du discours, c'est que contrairement à toute la bande dessinée, ou tous les auteurs de BD québécoises qui commencent dans les années 70, il faut comprendre qu'avant 1950, 1960, c'est beaucoup les éditions Fidès, Maurice Petit-Didier, la BD catholique, et là, il y a une espèce de trou, et toute une nouvelle génération arrive dans les années 70, début des années 70. Souvent, ce sont des revues dans les cégeps, dans les universités. Ce sont des jeunes qui font des fanzines, qui font de la bande dessinée, qui en ont beaucoup lu. Alors que les artistes du Chien d'An, ce sont des artistes, si on veut, avec, je vais mettre en guillemets, avec un grand A, mais qui ont fait des beaux-arts, qui font partie des mouvements artistiques des années 60, fusion des arts, l'atelier libre de recherche graphique. Donc, ils ont quelque chose de nouveau symbolique, du capital symbolique provenant du champ, de la sphère des arts visuels, qui ont permis cette reconnaissance dans le métadiscours sur la bande dessinée. Et dans le contexte aussi où leur production s'inscrivait assez bien dans l'ensemble de la production de cette contre-culture qui avait cours à cette période-là, Chien d'An est une mauvaise herbe aussi qui nuit aux cultures, donc ça donne déjà le ton. Oui. Donc ça s'inscrit dans une mouvance globale, donc la bande dessinée est intégrée dans cette révolution. Oui, la littérature, le cinéma, je pense à la poésie, Paul Chamberlain avec ses textes, même beaucoup de recueils de poésie de l'époque étaient imprimés avec une graphie, une calligraphie, donc on jouait avec le dessin, avec le texte qui venait de dessin. C'était la même chose avec Chien d'An. Donc, ça s'inscrivait au niveau des thèmes aussi, critique des cégeps, critique sur la drogue un peu, donc quelques des thèmes aussi qu'il y avait dans cette mouvance-là, qui était en bande dessinée qu'on avait avec les années 60, avec les comics, avec Crumb et Spiegelman, avec Pilote, si on veut, en France aussi. Donc il y avait tout un mouvement qui était plus global, mais au niveau de la bande dessinée québécoise, c'est ce qui est un peu particulier, qu'il y ait si peu de production et si peu de mémoire par la suite de ce qu'ils ont fait pendant ces années-là. Et tout ça dans un contexte aussi d'identité nationale. Je pense que tu le soulignes d'ailleurs, entre autres dans Du Chien dans le printemps, où tu dis, ben il y a pas mal de textes, de trucs où on met Québec, ça se retrouve, c'est un tag qu'on retrouve ça et là. Ouais. Dans... Québec avec un K souvent. Oui. Beaucoup de revues de ces années, il y a beaucoup de revues dans les cégeps qui sont nées dans les mais il y avait Capitaine Québec évidemment de Pierre Fournier qui date de 73, donc qui s'inscrit dans le printemps, des revues qui s'appelaient Made in Québec, Sherbrooke, Québec Pudding, donc on mettait et j'ai beaucoup ce que je parle dans le livre aussi, j'ai beaucoup étudié les éditoriaux, si on veut, de ces revues-là, et on parlait beaucoup, et ça revient à cette quête d'identité nationale, d'avoir des comics, des dessins qui nous représentent, nous, qui parlent de la Gaspésie, qui parlent de Vigneault, qui parlent de ce qu'on est, nous, au Québec, et non pas, on parle, je sais plus dans lequel, le Tintin, la guerre du Vietnam, c'est bien, mais nous, on a besoin de dessins qui nous représentent, qui parlent de ce qu'on est vraiment. Oui, parce qu'ils faisaient beaucoup de BD à l'époque, oui. Mais c'est de la BD franco-belge, c'est de la BD américaine. Oui, il y a un titre d'un article que je cite aussi, qui est publié en 70-71, je crois. Il se lit beaucoup de BD au Québec, mais bien peu de BD québécoise. Donc, on a quand même, ça a pris du temps avant d'arriver aussi à ce que la BD québécoise, depuis les années 2000, il y a un certain boom. Il y en a eu les années 80 avec Crow et Safari et tout. Dans les années 70, on essaye, mais il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas de maison d'édition en France dans les années 60-70. Dupuis, Lombard, Darko, ce sont des maisons qui sont bien établies. Même chose DC, Marvel aux États-Unis. Il y a des institutions qui existent, alors qu'ici, il y a eu Fidesz pendant des années, mais le Fidesz ne publie plus de bande dessinée. Héritage commence et publie surtout les traductions de bande dessinée américaine au début. Ils vont faire la BD québécoise dans les années 70 également. Donc, il y a beaucoup de place à prendre. Donc, il y a plein de jeunes qui arrivent. Il faut dire que c'est la baby boom aussi. Donc, des jeunes qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a de plus en plus de jeunes. Donc, la création des cégeps, beaucoup de la jeunesse rentre dans les universités et vont essayer de s'exprimer avec la bande dessinée. Va être un médium comme un autre pour... Et on me dit, mais c'est assez paradoxal, parce que tantôt on parlait c'est perçu comme un art populaire, mais d'un côté, les éditeurs ont une certaine frilosité par rapport à ça. Donc, c'est un art populaire, mais qui est cantonné à l'underground. Ouais, mais qui dérange aussi, parce qu'il y a des textes, il y a des affiches, l'affiche est percutante aussi. La bande dessinée, Chien d'âme, mon petit va faire surtout des histoires en deux planches, mais avec l'image, on va rejoindre, on peut choquer plus rapidement, on peut rejoindre un public, mais les coûts de production sont plus élevés aussi. On le sait, surtout à l'époque, donc on commence avec toute la mouvance underground, il y a des presses qui s'installent, je pense au Carré Saint-Louis à Montréal, qu'on va commencer une certaine démocratisation, si on veut aussi, des moyens de production. Mais pour les éditeurs, je crois que les œuvres de Chien d'âme ont été présentées à Stanquet à l'époque, mais publier de la couleur, publier des bandes dessinées, comme ça coûte plus cher. Il n'y a pas de précédent non plus, surtout dans l'édition au Québec, donc les éditeurs ont refusé d'embarquer. Les planches ont été publiées de ce qu'on connaît de Chien d'âme, la quarantaine de planches publiées dans Chien d'âme, à l'exception des œufs durs de Fortier, qui est une histoire de 8 planches qui est publiée dans L'Écran, qui est une revue de bande dessinée, qui a connu 4 numéros en 1974. Les autres, c'est dans la presse Québec Presse, Quartier Latin de l'Université de Montréal, où les planches de Montpetit en couleur ont eu droit à la couleur, c'était en perspective. Donc, il y a quand même... Perspective était... j'ai vu des chiffres une fois, je pense que c'était 340 000 exemplaires, c'était tiré à l'époque. C'était un supplément dans les journaux, dans les quotidiens, donc ils ont quand même rejoint... Bon, ça fait underground, mais Perspective était d'être distribué un peu partout au Québec, dans un de très haut tirage, donc ils ont au contraire rejoint beaucoup de monde, mais 5 histoires de 2 planches en 4-5 ans, ça s'est passé pour faire sa marque. Et ça revient au défi Sylvain Lemay dont on parlait au départ, donc qui est le défi des archives, le défi de trouver ces planches-là pour les comprendre, les analyser, les décrire. Et je pense en fait que dans ton livre Chez Mémoire, c'est la première fois où il y a autant de planches de Chien d'âme qui sont regroupées ensemble. Tout à fait, oui. Moi, c'est ce que je disais la première fois. Je pense que j'ai retrouvé un texte en faisant le ménage de mon bureau. La première communication que j'ai donnée, c'est un colloque à l'Université McGill en 98, je crois, que j'avais déjà parlé de chien-dent. Et c'est là que je disais, ben, je commençais à chercher sur chien-dent. Il y a quelques planches disséminées à gauche et à droite dans différents supports de publication, dans différentes revues. Mais bon, 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, avec le livre que nos éditions Mémoire, enfin, on a tout ce que je connaissais, tout ce qu'on connaissait, qui a été qui s'est retrouvé de chien dent, qui sont enfin publiés dans un même ouvrage. Donc tout est ensemble, tout est relié, analysé et en couleur aussi. On a Jean-Dominique Leduc a fait un gros travail pour la numérisation et la publication des planches qui sont superbes. Mais il reste des choses. Donc, comme je dis, on a trouvé deux autres planches de mon petit. On a des auteurs de chien dent qui ont trouvé aussi trouvé des planches trop tard pour qu'on le mette dans le livre, mais on va. Il y a d'autres choses qui s'en viennent encore sur chien dent. Oui, parce que reste que justement, on dirait qu'on. On est plus au courant, même encore aujourd'hui. En fait, on disait à l'époque, on lisait beaucoup plus la BD étrangère que la BD québécoise. Il n'y en avait pas ou peu. Là, il y en a de plus en plus, mais on connaît peu l'histoire de la BD québécoise. On pourrait plus facilement parler de l'histoire de la BD franco-belge que de la BD de chez nous. Tout à fait, mais en même temps, les choses évoluent. Il y a un texte de Thierry Gronstein dans un objet culturel non identifié, je pense, parle d'amnésie comme une partie prenante de la bande dessinée qu'on ne connaît pas l'histoire, alors qu'au contraire, en France et en Belgique, il y a quand même beaucoup de rééditions. On connaît le patrimoine. Je parlais de Pilote, on parle de Gottlieb, tout ça. On peut tous lire, on peut aller trouver assez facilement des albums de Gottlieb des années 60 ou de ce qui se fait. Alors qu'en bande dessinée québécoise, très peu de rééditions. Les Red Ketchup, les Michel Risque, évidemment, la Pastèque, le Jacques Gagné aussi que la Pastèque a fait. Donc, Mémoire aussi, la collection de chronographes qui a eu quelques publications qui ont été faites en version numérique. Mais effectivement, les gens connaissent encore moins la bande dessinée québécoise, mais ça commence à changer. Moi, je vois avec les étudiants, ça fait 17 ans que j'enseigne ici à l'université, c'est sûr que les premières années, je vais parler de BD québécoise, au début des années 2000, personne ne connaissait la bande dessinée québécoise. Le prix Marc-Olivier Lavertu que j'ai créé en 2005-2006 vient un peu pour ça, parce que on donne un prix à un auteur québécois, donc les étudiants étaient obligés d'aller fouiller pour voir c'était qui les auteurs québécois. Et là, ça fait 10 ans que ce prix-là existe, j'en suis très fier. Mais en même temps, je me suis rendu compte cette année, à la fin de la session, les autres étudiants finissants devaient faire un exposé sur un album. Et je me suis rendu compte que les deux tiers des albums choisis étaient québécois. Alors que, écoute, il y a 10 ans, il y a 12 ans, tout le monde travaillait sur la BD franco-belge. Il y avait les franco-belges, il y avait les comics, ou ceux qui sont des étudiants qui sont très comics américains, ou ceux qui ne sont que manga et animés. Et là, j'en ai qui arrivent, mais par leur choix d'album, il y avait du Zian, il y avait Luc Bossé, il y avait de la Fée Dubuc. Donc, les gens vont choisir de plus en plus. Et là, je pense que c'est deux tiers des albums étaient québécois. Donc, il y a quelque chose, une évolution qui se fait de ce niveau-là. Pour des trucs plus contemporains, l'année 80-90, on cherchait la bande dessinée québécoise. Là, maintenant, on la trouve, on en parle dans les médias, radio, télévision, moins télévision, mais radio, journaux, il y a quand même de l'espace pour parler de la bande dessinée québécoise. Reste que dans au niveau de l'histoire de la bande dessinée québécoise, de ce qui s'est fait dans les années début du 20e siècle jusque les années 70-80, ça, c'est encore très méconnu. Donc, il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour les historiens, ceux qui s'intéressent à cette question. Et j'imagine aussi toujours dans une logique de mise en perspective, parce que l'exemple dans Du chien dent dans le printemps, tu fais un regard sur le printemps de la bande dessinée québécoise 68-75 descriptif. Il y a toujours le défi, tu le soulignes d'ailleurs dans ta conclusion, de réussir à mesurer l'impact durable de ça, parce que le médium au Québec reste encore relativement jeune. Donc c'est pas nécessairement évident de dire bon, ok, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, ben quel a été l'impact de ce mouvement là. Au-delà du rôle de catalyseur, peut-être, qui a occupé. Oui. L'impact, il est pour les théoriciens, pour ceux qui ont lu dans les histoires, les écrits, les articles sur la bande dessinée. Mais dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui portait justement sur le printemps et sur Chien dent, j'avais interviewé Réal Godbout aussi, et il dit dans une... je crois que c'est dans le livre aussi, qui connaissait Chien dent à l'époque, mais... on avait entendu parler, mais sans trop savoir c'est quoi à l'époque. Non plus, il n'y a pas Internet, donc on va pas. On apprend que oui, il y a des gars qui ont publié des BD dans Perspective il y a 2, 3, 4 ans. Comment tu peux avoir accès à ça, à moins que tes parents aient gardé les Perspectives chez eux? L'accès à la Bibliothèque nationale, c'est pas tout le monde qui y va, il n'y a pas d'Internet, donc les gens connaissaient, donc il y a eu une espèce d'aura à ce niveau-là, puis même toute la production de Chien d'Ange, je parle des revues BD, Capitaine Québec, Québec Pudding, Made in Québec, Pizza Puce, mais personne, c'est difficile, comme c'est pas réédité. Les gens ne voient pas. Moi, j'ai créé aussi la BD québécoise ici à la bibliothèque de l'université. Donc, tout ce que j'avais en BD québécoise, à force de chercher, tout ce que j'avais assemblé au fil des années, j'en ai fait don à la bibliothèque et on essaie de rassembler de façon le plus exhaustive possible ce qui se fait en BD québécoise et au niveau historique. Donc, surtout les années, j'essaie de trouver tout ce qu'il y avait dans les années 50, 60, 70. Pour moi, que les étudiants ou des chercheurs un peu partout au Québec qui s'intéressent à la question de la bande dessinée québécoise, ben ils savent qu'ils peuvent, qu'ils ont au moins un endroit maintenant où toute cette BD québécoise peut être rassemblée. Parce que même à la Bibliothèque nationale, la plupart des livres sont là, mais ils ne sont pas nécessairement identifiés comme bande dessinée. Donc, des fois, c'est difficile à chercher. Et Sylvain Lemay, le groupe du Chien d'Ange, en fait, je les mentionne d'ailleurs parce qu'on parle du groupe depuis tout à l'heure. Donc, c'est Claude Affly, André Monpetit, Marc-Antoine Nadeau, Michel Fortier. Oui. C'est des gens qui avaient une production avant, qui ont eu pour la plupart une production après. Dans le groupe aussi, il y avait des gens qui allaient, qui venaient. C'était pas limité à eux quatre. Peux-tu nous parler un peu justement de qui ils étaient, de qu'est-ce qu'ils ont fait un peu brièvement, là, évidemment? Mais... Oui, brièvement. Claude Affly est un poète qui avait ami de Gaston Miron, qui a ouvert une galerie d'art. Puis, il avait 20 ans. Donc, les jeunes de Chien d'Ange, une vingtaine d'années, dans les années 60, qui ont des films, une quarantaine d'années, écrit de la poésie et rassemble ces jeunes-là autour de lui, donc des artistes en vue, des jeunes artistes en vue, des dont Nadeau et Monpetit avaient fait une œuvre qui avait fait scandale, le sous-marin jaune de la Force de frappe québécoise à l'Expo 67. Fortier, dans les galeries, est acheté des œuvres qui ont acheté à un musée à New York, donc ils sont quand même assez connus. Mais ceux qui tournent autour de Chien d'Ange, mais au Chien d'Ange, c'est aussi un esprit. Donc il y avait des gens qui allaient chercher, entre autres Chapelot était proche de Chien d'Ange, avait un projet avec eux, Clémence Desrochers. Donc si ça avait duré, si ça avait continué, peut-être que ça aurait eu un impact un petit peu plus grand. À l'époque, ces regroupements d'artistes étaient très connus. L'Atelier libre de recherche graphique, on mettait des moyens de production pour les artistes ou les regroupements, je pense à l'Infonie en musique aussi. Donc c'était, il y avait quelque chose aussi qui se passait en bande dessinée, mais qui s'est arrêté. Par la suite, les gens, Fortier a fait beaucoup de gravures, là, ils ont continué à faire des toiles. Monpetit, un peu moins, mais Monpetit a fini par disparaître et a tout détruit, quasiment tout ce qu'il avait fait. Il y a le très beau film de Sahel Lacroix sur les traces d'Arthur qui est sorti l'année dernière aussi. Donc, il y a quelque chose sur Chien d'Ange aussi en même temps qu'on retrouve la mémoire en même temps de ces gens-là. Et même à Toronto, j'étais à Toronto la semaine dernière pour la conférence annuelle de la Société canadienne pour l'étude de la bande dessinée. Donc, des gens de partout au Canada, aux États-Unis, des universitaires qui travaillent sur la bande dessinée. Et moi, je présentais sur Chien d'Ange, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi. Il y avait une autre présentation en anglais d'un étudiant qui venait de finir sa maîtrise à Concordia, qui avait proposé aussi une communication sur Chien d'Ange. Donc, ça retrouve de plus en plus dans l'actualité. Et ce groupe-là, à l'époque, en fait, tu le mentionnais, il arrivait carrément en rupture aussi dans le ton de ce qui était proposé. Au niveau BD, c'était beaucoup plus des textes religieux, un peu plus... il y avait toujours quelque chose de très humoristique, évidemment, dans Chien d'Ange, comme dans d'autres publications d'avant, mais dans ce cas-ci, c'était un humour plus contestataire, qu'on prenait on parlait d'identité nationale, mais on parlait de contre-culture, donc ça rentre aussi, bon, évidemment, là-dedans. Donc, c'est vraiment une rupture, on pourrait dire. Une rupture, tout à fait. La façon de concevoir la planche de bande dessinée, les liens entre les cases, était plus proche de la gravure, de l'affiche, allait trouver d'autres façons de raconter, alors qu'évidemment, la BD plus classique, si on parle de Tintin et tout ça, et surtout si on parle à Fidesz et à Maurice Petit-Didier qu'il y avait avec ses histoires, donc la rupture est encore plus brutale ici au Québec comparée, mais en même temps, on peut pas isoler juste le Québec. Eux, ça va sûrement lire aussi toute la BD psychédélique, tout ce qui se passait dans l'imagerie en Europe, aux États-Unis, sur la côte ouest, donc ça fait partie d'un mouvement beaucoup plus grand, mais effectivement, si on garde que la production québécoise, on arrive avec Fidesz qui termine 63-64. Il y a peut-être juste les albums de Pesquen dans les années 60, 65-66, Tiwi, la Coupe Stanley, le mystère de la Coupe Stanley, quelque chose dans la BD très gentillette et on arrive avec Chien d'Inde qui font exploser la page, les liens entre le texte et l'image, les textes qui sont dessinés, qui prennent vie dans la planche, quelque chose qui est très... la rupture est encore, apparaît encore plus brutale si on ne s'en tient qu'au Québec. Et quand on regarde l'ensemble aussi de la production du printemps au-delà de Chien d'Inde, tu soulignes justement dans le livre aussi, c'est il y a une volonté d'émancipation face à la tradition, entre guillemets, BD, et c'est un renouveau, tu le mentionnais d'entrée de jeu, donc les auteurs qui arrivent, c'est un renouveau, on fait presque table rase, là, côté... Ben oui. Il y en a pas tant, d'ailleurs, des auteurs d'avant qui vont dépasser, peut-être Charles Chartier qui va continuer jusqu'aux années 2000, mais il n'y en aura pas des masses, là. Non, Dupré est un des seuls à avoir commencé à faire des illustrations à la fin de François, la revue François à la fin des années 50, mais sinon, c'est comme tous des jeunes auteurs qui arrivent. Très peu font encore la bande dessinée aujourd'hui, qui ont commencé à cette époque-là. Godbout, Fournier, Malouin aussi commencent dans ces années-là, mais sinon, ils sont... Urtubis a été là. Ils ont fait beaucoup de revues. Je dis, dans le printemps, il y a beaucoup de revues de fanzines qui sont publiées, mais ils ne connaissent qu'une ou deux ou trois publications, et c'est toujours on recommence, on refait. Il y a la coopérative des petits dessins, ils ont essayé des choses dans les publications quotidiennes, dans les journaux, donc ils ont réussi à publier dans le jour, mais pas dans les autres journaux. Et tout ça, tous ces essais et erreurs, si on veut, arrivent à certaines concrétisations sur le 19 avec Crow. C'est pas mal. Ces auteurs-là du printemps, Urtubis, Fournier, Huet, qui sont tous ça depuis Godbout, depuis le début des années 70, qui se retrouvent dans Crow en 79. Et un fait que j'ai trouvé intéressant, que tu mentionnes, c'est que il y a une impression chez les auteurs du printemps d'être en train de construire quelque chose, ou de chercher à tout le moins à construire quelque chose, d'affirmer les bases d'un renouveau du médium. Et donc, il y a cette volonté-là qui semble être perceptible, en fait. Donc, il y a... Mm-hmm. Oui, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'étudier les éditoriaux, c'est surtout des prises de position parmi les auteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec leur revue? Et comme souvent ces revues-là ne connaissent qu'un numéro ou deux, on recommence par la suite. Mais il y a une question d'ébullition à l'époque. Faut se replacer. Je pense qu'on n'a pas connu de contexte semblable à d'autres époques où on bousculait toutes les traditions, on essayait de réinventer des façons de raconter, mais tout est en lien avec la musique, le cinéma, le théâtre, la littérature, la bande dessinée, toute cette contre-culture-là, tous ces jeunes qui essaient de s'exprimer. En bousculant, justement, on trouvait toujours que tout était trop sage avant, donc on essaie de casser les frontières même des médiums pour raconter différemment. Et tout ça, donc je le rappelle, on le retrouve dans Du Chien d'Inde dans le printemps. Sylvain Lemay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine, Raymond. Salut bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, Sylvain Lemay, donc enseignant en bande dessinée, professeur en bande dessinée du côté de l'Université du Québec en Outaouais, qui a également, je le rappelle, donc offert Du Chien d'Inde dans le printemps. Donc ce regard sur le printemps de la bande dessinée québécoise, un ouvrage qui est disponible aux éditions Mémoire depuis avril dernier. Alors voilà, merci de nous avoir suivis tout au long de notre saison 2015-2016, d'avoir exploré avec nous le 9e art. Au fil de l'été, vous nous trouvez sur Facebook à facebook.com/lavieenbd. Vous me trouverez également sur mon blog voix.ca/raymond-poirier. Je vous rappelle également que toutes les émissions 2015-2016 et auparavant sont disponibles en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Alors c'était Raymond Poirier au micro. Passez un bel été sur les ondes de CKRL 89.1 et au plaisir de vous retrouver en septembre prochain pour une 5e saison de La Vie en BD.